Bismillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'ad. Baina aydina kitabun bi'unwan mulakhas al-fiqhi bi Syekh Fauzan hafizahullah. Wa huwa kitab yata'allaq bi masail fiqhiyyah. Insyaallah sanutarjim minhu ma sayatayassar. Barakallahu fikum. Fa yaqulu Syekh Fauzan fi muqaddimah kitabih. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. فهذا ملخص في الفقه مقرون بأدلته من الكتاب والسنة. كنت ألقيتها في الإذاعة على الحلقات وقد تقرر الطلب ممن سمعوا وألحوا علي بطبعته ليبقى الانتفاع به إن شاء الله. وما كنت أنوي ذلك حال إعداده، ولكن نزولا عند رغبة الكثير أعدت النظر فيه ورتبته وقدمته للطباعة. Ce livre est un résumé dans le fiqh, dans la jurisprudence, rattaché avec ses preuves du Coran et de la Sunna. C'est une série de cours que j'avais donné donc à la radio, et les auditeurs ont insisté, et devant l'insistance des auditeurs et leur nombre nombreux, j'ai décidé de l'imprimer pour que les gens puissent en profiter, bien que je n'ai pas l'intention de faire ça dans un premier temps. Donc j'ai révisé ma position et puis je l'ai organisé et je l'ai présenté à l'impression. Voilà quoi Bayna Yadayk Ayyuhal Qari'u Al-Karim Fama wajadta fihi min sawabin wa fa'ida Falfadlu fihi raji'un ila Allahi wahda Wama wajadta fihi min khata Fahuwa minni wa astaghfirullah. Donc Cheikh dit voilà, vous avez donc votre au noble lecteur. Donc ce que vous trouvez dedans comme bonne chose et enseignement, le mérite en revient à Allah seul. Et si vous trouvez des fautes dans ce livre, donc ces fautes proviennent donc de lui, du shirk, et il demande pardon à Allah. وقد لخصته من كتاب شرح الزاد راه كفر المربع ومن حاشيته للعلامه الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن قاسم مع بعض التنبيهات مني الى مره مناسبه. Donc il a résumé lui-même ce livre, le livre qui s'appelle شرح الزاد راه المربع, des explications du chef du grand savant عبد الرحمن بن محمد بن قاسم. Et Cheikh a fait des annotations pour quand l'occasion le nécessitait. هذا وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا للعلم النافع والعمل الصالح وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. Cheikh termine son introduction en disant, nous avons l'occasion de demander à Allah qu'il nous accorde le succès à tous dans l'apprentissage de la science utile et dans l'accomplissement des bonnes actions et les prières et les salutations à son prophète Mohammed ainsi que sa famille et ses compagnons. ثم انتقى الشيخ فقال فصل في فضل التفقه في الدين. Donc le Cheikh après a ouvert un chapitre qui est intitulé donc le mérite d'apprendre, de s'inspirer dans la religion. Donc le Cheikh dit Alhamdulillah Rabbil Alameen والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. فإن التفقه في الدين من أفضل الأعمال وهو علامة الخير. Donc Cheikh dit après avoir vu Allah et prié sur le prophète sallam ainsi que sur sa famille, ses compagnons et ceux qui les suivent à la perfection jusqu'à la fin des temps, donc le Cheikh dit le fait de s'instruire, d'apprendre sa religion fait partie des meilleurs actes d'adoration. Et c'est un signe de bien. Donc une personne qui cherche à s'apprendre sa religion, c'est sans conteste un signe de bien. قال صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين وذلك لأن التفقه في الدين يحصل به العلم النافع الذي يقوم عليه العمل الصالح. Donc le prophète صلى الله عليه وسلم dit, celui à qui Allah veut du bien, il l'inscrit dans la religion, il fait comprendre la religion. Et cela pourquoi? Parce que celui qui cherche justement à apprendre sa religion, à s'inscrire dans la religion, hein, il va acquérir une science utile. Une science utile sur laquelle est basée la bonne œuvre, l'acte accepté auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. وقد أمر الله سبحانه نبيه صلى الله عليه وسلم يسألكم زيادة من العلم قال تعالى وقل ربي زدني علما. Donc Allah a ordonné à son prophète عليه الصلاة والسلام qu'il demande une augmentation dans la science. Allah dit dans le sens du verset et dit au Seigneur augmente-moi en science. قال الحافظ ابن حجر وهذا واضح الدلالة بفضل العلم لأن الله لم يأمر نبيه صلى الله عليه وسلم بطلب الازدياد من شيء إلا من العلم وقد سمى النبي صلى الله عليه وسلم المجالس التي يتعلم فيها العلم النافع برياض الجنة وأخبر أن العلماء هم ورثة الأنبياء. Donc le Hafez ibn Hajar, le grand savant de cette communauté, dit ce verset donc est une preuve claire et évidente qui montre le mérite de la science. Car Allah n'a pas ordonné à son prophète alayhi salatu wa sallam d'augmenter une chose si ce n'est la science. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam donc a nommé ses assises, justement où l'on acquiert cette science, où l'on apprend cette science utile, hein, il les a décrites, il les a nommées, il a dit que c'était des jardins du paradis. Et il a informé aussi que les savants, ce sont les héritiers des prophètes. ولا شك أن الإنسان قبل أن يقدم على أداء عمل ما لا بد أن يعرف الطريقة التي يؤدي بها ذلك العمل على وجهه الصحيح. Et il ne faut qu'un doute, le cher Président va continuer en disant, il ne faut qu'un doute que toute personne qui souhaite accomplir un quelconque acte, quel qu'il soit, il est obligatoire pour lui de connaître la façon de le faire, pour le faire donc comme il lui est demandé de le faire. حتى يكون هذا العمل صحيحا مؤديا لنتيجته التي ترجى من ورائه فكيف يقدم الإنسان على عبادة ربه التي تتوقف عليها نجاته من النار ودخوله الجنة كيف يقدم على ذلك بدون علم. Continue en disant donc pourquoi il doit savoir comment il doit faire cet acte pour que justement son acte soit accepté, soit correct, hein, en espérant donc en le faisant dans l'espoir d'avoir la récompense qui est derrière cet acte. Donc comment une personne elle peut se lancer dans une adoration de son Seigneur sur laquelle, c'est pour ça qu'il ne faut pas oublier, sur laquelle est basé le fait qu'il sera sauvé du feu ou le fait qu'il sera sauvé du feu ou le fait d'entrer dans le paradis. Comment donc il peut faire une action sur quoi est basé toutes ces choses-là sans science. ومن ثم افترق الناس بالنسبة للعلم والعمل ثلاثة فرق. الفريق الأول الذين جمعوا بين العلم النافع والعمل الصالح وهؤلاء قد هداهم الله صراطا منعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. Donc Cheikh continue en disant donc, par rapport à la science, donc, les gens se sont divisés en trois catégories. La première catégorie, le premier groupe, donc ceux qui ont regroupé, qui ont mis ensemble, ils n'ont pas séparé donc la science utile et la bonne action. Et c'est ces gens-là qu'Allah a comblé de ses bienfaits, qu'il a guidé sur son droit chemin. Parmi les prophètes, les véridiques, les martyrs et les gens pieux. Et quelle bonne compagnie que cela. الفريق الثاني الذين يعلمون الذين تعلموا العلم النافع ولم يعملوا به وهؤلاء هم المغضوب عليهم من اليهود ومن نحى نحوه. Donc la deuxième partie, le deuxième groupe, donc c'est ceux qui ont appris la science utile, mais qui ne l'ont pas mise en application. Ils l'ont apprise, mais ils ne l'ont pas mise en application. Et eux, ce sont eux qui ont encouru la colère d'Allah. Hein? Et parmi ces gens-là, les Yahoud, les Juifs, et ceux qui suivent leur voie. الفريق الثالث الذين يعملون بلا علم وهؤلاء هم أهل الضلال من النصارى ومن نحى نحوهم. Donc le troisième groupe, hein, ce sont ceux qui pratiquent cette fois-ci l'inverse, qui pratiquent mais sans science, qui pratiquent mais sans science. Et eux, ce sont les gens de l'égarement, parmi lesquels les chrétiens et ceux qui suivent leur voie. ويشمل هذه الفرق الثلاثة قوله تعالى في سورة الفاتحة التي نقرأها في كل ركعة من صلواتنا اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Donc ces trois groupes que nous voyons sont regroupés dans un verset de la sourate al-Fatiha que nous récitons dans chaque ركعة de nos prières. Lorsqu'Allah dit dans le sens du verset, donc guide-nous sur le droit chemin, le chemin de ceux que tu as comblé de tes bienfaits, et pas, non pas de ceux qui ont couru ta colère et les égarés. قال الإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وأما قوله تعالى غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فالمغضوب عليهم هم العلماء. هم العلماء الذين لم يعملوا بعلمهم والضالون العابدون بلا علم. فالأول صفة اليهود والثاني صفة النصارى. وكثير من الناس إذا رأى في التفسير أن اليهود مغضوب عليهم وأن النصارى ضالون ظن الجاهل أن ذلك مخصوص بهم وهو يقرأ من ربه فارض عليه أن يدعو بهذا الدعاء ويتعوذ من طريق أهل هذه الصفات. Donc Cheikh l'Islam Muhammad ibn Abd al-Wahhab رحمه الله il dit par rapport à la parole d'Allah dans le sens du verset, non pas de ceux qui ont encouru la colère et ni les égarés. Donc il dit donc ceux qui ont encouru la colère d'Allah, ce sont les savants qui ont œuvré, qui n'ont pas mis en application la science qu'ils avaient. Et les égarés, ce sont ceux justement qui ont mis en application une science qu'ils n'avaient pas. La première catégorie, donc ceux qui ont une science sans appliquer, c'est les caractéristiques des Juifs. Et la deuxième catégorie, donc ceux qui n'ont pas de science mais qui appliquent, ce sont les caractéristiques des chrétiens. Par contre, et là c'est là où le chef a une précision, beaucoup de gens pensent que, lorsqu'il dit l'explication de ces versets, que les Juifs ont encouru la colère d'Allah et que les chrétiens sont les égarés. Donc l'ignorant, il pense que cette chose-là, c'est propre à eux. C'est pas propre à eux uniquement, c'est valable pour tout le monde. Et même les musulmans, même les musulmans musulmans, les musulmans qui ont ces caractéristiques. Les musulmans qui ne mettent pas en application une science, hein, qui ne met pas en application une chance qu'il a, il est pareil, il fait partie des gens qui ont couru la colère d'Allah. Et pareil, s'il met une application, il fait en application une chose dont il a aucune science, il fait partie des égarés. Donc, dans la djahilu, anna hada maqsusun bihim. Donc, il pense que ces deux versets, c'est propre à eux, alors que lui, il dit que son Seigneur lui a ordonné de dire cette invocation, hein, et de se préserver auprès d'Allah contre la voix de ceux qui ont ces caractéristiques. Comment Allah il peut ordonner une chose pareille? Si c'est bien pour que nous aussi on prenne garde de ne pas tomber et de ne pas avoir les mêmes caractéristiques qu'eux. Fayah subhanallah. Kayfa yu'allimuhu Allah wa yaftaru lahu wa yafrudu alayhi an yad'uwa rabbahu da'iman ma'a annahu la hadara alayhi minhum wa la yatasawwaru anna fi'luhu hadha huwa dhannu su'u billah. Donc il dit subhanallah, comment Allah peut apprendre justement une invocation pareille, choisir une invocation pareille, lui ordonner de la dire, et ceci tout le temps, hein, sans que cela ne présente pas un danger pour lui? Si, c'est pas forcément, c'est parce qu'il y a un danger derrière ça. Donc il doit faire attention justement à ne pas apprendre sans appliquer, ni appliquer sans apprendre. Et il ne sait pas aussi, il ne s'imagine pas que le fait de penser à ça, le fait que c'est propre à eux seulement, hein, c'est la part d'avoir une mauvaise opinion d'Allah. Donc ça, c'est la fin de la parole. الشيخ محمد بن الوهاب رحمه الله، وهو يبين لنا الحكمة في فريضة قراءة هذه السورة العظيمة سورة الفاتحة في كل ركعة من صلاتنا. Et il nous montre donc la sagesse donc dans le fait que la récitation de la surat al-Fatiha, la surat qui est très importante, hein, qu'elle a été, donc, le fait qu'elle a été ordonnée dans toutes des unités de prière de nos prières. Fardiha wa nafliha, que la prière soit obligatoire ou non. Lima tajtamilu alayhi min al-asrar al-azima. Je sais pourquoi. Donc, parce qu'elle contient, comme des chers, elle contient des secrets énormes, des immenses secrets. التي من جملتها هذا الدعاء العظيم. Parmi lesquels, donc parmi ces secrets, cette importante invocation, le fait que Allah nous guide sur le droit chemin. أن يوفقنا الله لسلوك طريق أصحاب العلم النافع والعمل الصالح. Donc Allah nous accorde le succès, hein, qui nous donne la possibilité de suivre le chemin de ceux qui ont acquis la science utile et qui l'ont mise en pratique. الذي هو طريق النجاة في الدنيا والآخرة. La voie de la victoire, la voie de la victoire, c'est-à-dire dans ce monde et dans l'au-delà. وأن يجنبنا طريق الهالكين الذين فرطوا بالعمل الصالح أو بالعلم النافع. Et qu'il nous écarte, nous éloigne de la voie de ceux qui vont à leur perte, ceux qui ont négligé soit la bonne action, la bonne œuvre, soit la science utile. ثم علم أيها الطالب الكريم أن العلم النافع إنما يستمد من الكتاب والسنة تفاهما وتدبرا. Donc sache, hein, au lecteur, noble lecteur, que la science utile, elle est tirée du Coran et de la Sunna, que ce soit en termes de compréhension et en termes de méditation. مع الاستعانة على ذلك بالمدرسين الناصحين وكتب التفسير وشروح الحديث وكتب الفقه وكتب النحو واللغة العربية التي نزل بها القرآن الكريم، فإن هذه الكتب طريق لفهم الكتاب والسنة. Donc en plus de ça, il faut, hein, prendre ces choses-là pour être un enseignant qui donne de bons conseils, de prendre cette science des livres explique les versets du Coran, qui explique les significations des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou des livres de jurisprudence, voire aussi de la grammaire et de la langue arabe dans laquelle le Coran est descendu. Donc tous ces outils, hein, ce sont ces choses qui vont nous permettre, inchallah, d'acquérir cette science utile et qui vont nous permettre de comprendre le Coran et la Sunna. فواجب عليك يا أخي المسلم ليكون عملك صحيحا أن تتعلم ما يستقيم به دينك من صلاتك وصومك وحجك وتتعلم أحكام زكاة مالك وكذلك تتعلم من أحكام المعاملات ما تحتاج إليه لتأخذ منها ما أباح الله لك وتتجنب منها ما حرم الله عليك ليكون كسبك حلالا وطعامك حلالا لتكون مجاب الدعوة. كل ذلك مما تمس حاجتك إلى تعلمه وهو ميسور بإذن الله ما دام صحت عزيمتك وصلحت نيتك. Donc il est de ton devoir, il est obligatoire, mon frère en islam, pour que ton acte, tes actions soient valables, d'apprendre les choses, hein, qui sont obligatoires pour que ta religion soit valable, valide, acceptée. Parmi la prière, le jeûne, le hajj, hein, tu dois prononcer des règles qui ont attrait à la zakat sur les biens, tu dois prononcer des transactions, des choses dont tu as besoin pour prendre ce que Allah t'a autorisé et t'écarter de ce qu'il t'a interdit, de sorte à ce que ta subsistance soit halal, que ta nourriture soit halal, pour qu'aussi tu sois, pour qu'Allah réponde favorablement aussi à tes invocations. Toutes ces choses-là, hein, c'est une chose dont il faut se soucier fortement à apprendre. Et là, alhamdulillah, c'est facilité aujourd'hui pour celui, hein, qui a une ferme conviction, qui a envie d'apprendre et qui a une bonne niya, une bonne intention. فحرص على قراءة الكتب النافعة واتصل بالعلماء لتسألهم عما أشكل عليك وتتلقى عنهم أحكام دينك. Donc sois ferme, sois assidu à lire les livres qui sont utiles, qui sont intéressants, et téléphone aux savants pour leur poser des questions sur lesquelles tu as eu des problèmes, de sorte à ce qu'ils te donnent le jugement qu'il faut par rapport à ta religion. وكذلك تعني بحضور الندوات والمحاضرات الدينية التي تقام في المساجد وغيرها وتستمع إلى البرامج الدينية من الإذاعة وتقرأ المجلات الدينية والنشرات التي تعني بمسائل الدين فإذا حرصت وتتبعت هذه الروافد الخيرية نامت معلوماتك واستنارت مصيرتك. Donc soit assidu à lire ce chapitre, comme on l'a dit, et aussi il faut assister aux cours, aux conférences qui peuvent être données dans les mosquées et ailleurs. Tu peux aussi écouter les programmes religieux qui sont dans les ondes, dans les médias. Tu peux lire aussi des magazines religieux qui traitent des sujets de la religion. Donc si tu fais preuve d'assiduité et tu suis tous ces moyens-là, inch'Allah, les connaissances augmenteront. Et ta clairvoyance augmentera également. ولا تنسى يا أخي أن العلم لم ينمو ويسمو مع العمل. ولا تنسى يا أخي أن العلم ينمو ويسمو مع العمل. Chéri, حفظ الله. Et n'oublie pas, frère, que la science donc augmente et se purifie avec les actes. La science augmente et se purifie avec les actes. فإذا علمت بما علمت زادك الله علما. فَإِذَا عَمِلْتَ بِمَا عَمِلْتَ زَادَكَ اللَّهُ عِلْمًا. Donc si tu mets en application ce que tu as su, Allah augmentera ta science. كَمَا تَقُولُ الْحِكْمَةُ الْمَثُورَةُ مَنْ عَمِلَ بِمَا عَلِمْ أَوْرَثَهُ اللَّهُ عِلْمًا مَا لَمْ يَعْلَمْ. Donc il dit, comme ils disent une sagesse, un dicton qui est rapporté chez les Arabes, il dit, celui qui met en application ce qu'il sait, Allah lui donnera une science qu'il ne connaissait pas. وَيَشْهَدُ لِذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهَ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. Donc, et la preuve aussi de ce dicton, on la retrouve dans la parole d'Allah, subhanahu wa ta'ala, dans le sens du verset, lorsqu'il dit « Et craignez Allah, et Allah vous enseignera. Allah vous apprendra. Allah est et à la connaissance parfaite de toute chose. وَالْعِلْمُ أَحَقُّ مَا تُصَرَّفُ فِيهِ الْأَوْقَاتِ وَتَتَنَافَسُ فِيهِ فِي نَيْلِ ذَوِي الْعُقُولِ فِيهِ تَحْيَى الْقُلُوبِ وَتَسْكُ الْأَعْمَالِ. Donc la science, s'il y avait une chose dans laquelle on doit passer le plus clair de notre temps et dans laquelle nous devrions nous concurrencer pour l'acquérir, pour ceux qui sont dotés de raison, c'est bien la science. Parce que dans la science des vides, la vivacité du cœur, la vie dans le cœur et les actions se purifient. Voilà, qadassna Allah qudana dhikruhu wa taqaddasat asma'uhu 'ala al-ulama'i al-'amilin wa rafa'a min sha'nihim fi kitabihi al-mubin. Qala ta'ala: "Qul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun? Innama yatadhakkaru ulul albab." Donc Allah fait l'éloge. Allah taqaddas a fait l'éloge aux savants qui mettent en application ce qu'ils savent. Et là, il les a élevés en degré dans son livre clair, lorsqu'il dit dans le sens du passé, est-ce que ceux qui savent et ceux qui ne savent pas sont au même niveau? Certes, ne réfléchissent que ceux qui sont doués de raison. Allah est aussi dans un autre verset dans le sens Allah augmente en degré ceux qui ont cru et qui ont donné un grand degré à la science. Et Allah est certes au courant de tout ce que vous faites. La bayyana subhanahu wa ta'ala mizat al-ladina kutul ilma al-maqroun bin iman. Donc Allah a montré dans ce verset la spécificité de ceux qui ont donné à la science sa juste valeur. C'est cette science qui est reliée à la foi. ثُمَّ أَخْبَرَ أَنَّهُ خَبِيرٌ بِمَا نَعْمَلُ. Ensuite, Allah a dit qu'il est est au courant de ce que nous faisions. Mamuttari'un 'alayh. Mamuttari'un 'alayh. Il est au courant de ce que nous faisons. Il y a tout là à la annahu la budda min al-'ilm wal-'amal ma'an. Et pourquoi? Hein, pour que ceci nous montre qu'il est obligatoire de faire suivre la science de l'acte. Il est obligatoire de faire suivre la science de l'acte. Il faut obligatoirement que les deux aillent ensemble. وأن يكون كل ذلك صادرا عن الإيمان ومراقبة الله سبحانه وتعالى. Et que toutes ces choses-là doivent découler impérativement donc de la foi, hein, et du fait qu'Allah nous observe parfaitement. ونحن عملا بواجب التعاون على البر والتقوى سنقدم لك بحول الله من خلال هذا الكتاب بعض المعلومات من الرصيد الفقهي الذي استنبطه لنا علماؤنا ودونوه في كتبهم سنقدم لك ما تيسر من ذلك لعله يكون دافعا لك على الاستفادة والاستزادة من العلم النافع ونسأل الله أن يمدنا وإياك بالعلم النافع ويوفقنا للعمل الصالح ونسأله سبحانه أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه وليان الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه انه سميع مجيب. Et en conformité avec le fait de notre obligation de s'entraider dans le bien et la piété, donc nous allons vous présenter, avec la permission et la force d'Allah, dans ce livre, quelques informations de la montagne des océans de l'océan du Fir qui existe, que des savants ont déduit, que nous savons ont déduit et qu'ils ont répertorié dans leur livre. Donc on va essayer dans ce livre de vous présenter ce qu'on nous a facilité de vous présenter, de sorte à ce que cela ça nous poussera à tirer des enseignements et à essayer à augmenter notre science utile. Et on demande à Allah qu'il nous donne la science utile et qu'il nous facilite, qu'il nous donne le souci pour mettre en application cette science, comme nous lui demandons de nous montrer la vérité et le fait de la suivre, et comme nous lui demandons de nous montrer le faux et le fait de s'en écarter, car il est certes celui qui répond aux invocations. مع الصبر ويذكر بالاستعانة بهما على الشدائد. Donc, parfois Allah nous ordonne de la prière. Il évoque la prière, parfois il nous ordonne de la prière. Parfois, il nous parle de ses spécificités, ses caractéristiques propres à elle. Parfois, il nous parle de sa récompense. Parfois, il l'associe à la patience et nous demande de chercher de l'aide pour produire ces choses-là, à savoir la prière et la patience, surtout quand les temps sont difficiles. ومن ثم كانت قرة عين الرسول صلى الله عليه وسلم من هذه الدنيا. Donc la prière, c'était la prunelle des yeux du prophète عليه الصلاة والسلام dans son parcours. فهي حلية النبيين وشعار الصالحين. فهي حلية النبيين وشعار الصالحين. وهي صلة بين العبد وبين رب العالمين. وهي تنعى عن الفحشاء والمنكر. Donc elle est certes l'accomplissement, la parure des prophètes. Elle est aussi une caractéristique, un signe des gens pieux. Et c'est le lien qui existe entre un serviteur et le Seigneur des mondes. Et elle empêche, elle arrête les turpitudes et les mauvaises choses. ولما كانت هذه الصلاه لا تصح الا بطهاره المصلي من الحدث والنجس حسب القدرة على ذلك وكانت مدد التطهر هي الماء أو ما يكون مقامه من التيمم عند عدم الماء صار الفقهاء رحمهم الله يبدأون بكتاب الطهارة وكم la prière n'est valable que par en étant purifié en étant purifié comme la prière n'est valable en étant purifié de l'état d'impureté et des impuretés en fonction de la possibilité, et sachant que l'eau c'est la matière utilisée pour justement se purifier ou quelque chose qui la remplace de temps en temps comme le tayammum, les spécialistes dans le fiqh, les spécialistes de la jurisprudence ont souvent toujours commencé leur livre avec la purification. لأنها لما قدمت الصلاة بعد الشهادتين على غيرها من باقية أركان الإسلام ناسب تقديم مقدمتها ومنها الطهارة. Donc la même chose que la prière, on a demandé la prière sur les autres piliers de l'islam, de la même façon on va demander la purification sur la prière. فهي مفتاح الصلاة. الطهارة هي مفتاح الصلاة. La purification c'est la clé de la prière. كما في الحديث مفتاح الصلاة الطهارة. Le prophète صلى الله عليه وسلم a dit dans un hadith, la clé de la purification c'est la clé de la salat, c'est la purification. وذلك لأن الحدث يمنع الصلاة فهو القطر يوضع على المحدث فإذا توضأ انحل القتل. Donc le pourquoi? Parce que l'état d'impureté ou d'impureté empêche d'accomplir la prière. D'accord? C'est comme un cadenas qu'on met sur une personne qui est dans la personne qui est dans cet état-là, comme un cadenas sur elle. Et lorsqu'elle fait des ablutions, c'est de cette façon que le cadenas se déverrouille. C'est de cette façon qu'on déverrouille le cadenas. فالطهارة أوكل شروط الصلاة والشرط لا بد أن يقدم على المشروط. Donc, il dit que la purification, c'est le pilier, un des piliers les plus forts. Et, bien sûr, la condition passe obligatoirement avant le conditionné, la chose pour laquelle c'est une condition. Donc, la signification de la purification d'un point de vue linguistique, c'est la propreté et le fait de se nettoyer, de se préserver des saletés, des impuretés, qu'elles soient concrètes ou abstraites. Qu'elles soient concrètes ou abstraites. Et d'un point de vue religieux, c'est le fait de sortir de l'état d'impureté et le fait d'éliminer les impuretés. وارتفاع الحدث يحصل باستعمال الماء مع النية. وكمان صار لذلك الأكل صار utilisant l'eau avec une intention. في جميع البدن إن كان حدثا أكبر. أو في على الأعضاء الأربعة إن كانت حدثت أسرار. Donc en utilisant ces tours, plus dans le corps tout entier, si c'est une atrophie majeure, ou dans les membres concernés par les ablutions, si c'est une atrophie mineure. أو استعماله ما يدوب عن الماء عند عدمه أو العكس عن استعماله وهو التراب على صفة مخصوصة وسيأتي إن شاء الله بيان لصفة التطهر من الحدثين. Donc, ou en utilisant plus de l'eau, quelque chose qui la remplacera en cas d'absence d'eau, justement, si on ne trouve pas, ou dans le corps, on est dans l'incapacité de l'utiliser en raison d'une maladie par exemple ou autre. Et ça, on le remplace donc par de la terre, donc d'une façon telle, qu'on verra, inch'Allah, dans un chapitre à venir. C'est le taïeb pour moi. بيان صفة الماء الذي يحصل به التطهر والماء الذي لا يحصل به ذلك. Donc le point que nous allons évoquer maintenant, donc c'est de montrer la caractéristique de l'eau avec laquelle qui a pour but qui donne avec laquelle on se purifie et l'eau avec laquelle il est interdit de se purifier. قال الله تعالى وأنزلنا من السماء ماء طهورا وقال تعالى وننزل عليكم من السماء ماء يطهركم به. Donc Allah dit dans le sens du verset, nous avons fait descendre du ciel une eau purifiante. Et Allah dit aussi dans un autre verset, nous avons descendu sur vous du ciel une eau avec laquelle vous vous purifiez. والطهر هو الطاهر في ذاته المطهر لغيره وهو الباقي على خلقته أي صفته التي خلق عليها. Donc c'est quoi la purification? C'est quoi qu'est-ce qui est purifiant? C'est ce qui est pur pour lui-même, en lui-même, et qui est pur pour les autres. Et c'est ce qui reste sur sa nature première, hein, la matière sur laquelle il a été créé. سواء كان نازلا من السماء كالمطر وذوب الثلوج والبرد او جاريا في الارض كماء الانهار والعيون والابار والبحار او كان مقدرا. Toutes ces formes d'eau entrent dans cette catégorie. Et donc, qu'elle descende du ciel sous forme de pluie, ou que ce soit l'eau qui a fondu, c'est pas la neige qui a fondu, ou des grelons, ou que ce soit l'eau qui ruisselle dans la terre, comme tous les cours d'eau en général, dans les puits aussi, les mers, et ce qui descend sous forme de gouttes. فهذا هو الذي يصف التطهر به من الحدث والنجاسة. Donc toutes ces eaux-là, comme nous l'avons mentionné, c'est ces eaux-là, hein, il est autorisé d'utiliser pour se purifier de l'état d'impureté et des impuretés. فإن تغير بنجاسة لم يجزي التطهر به. فإن تغير بنجاسة لم يجزي التطهر به. Par contre, si cette eau, elle venait à changer, hein, dans son aspect à cause d'une impureté qui est rentrée dedans, dans ce cas-là, il devient interdit de l'utiliser pour se purifier. من غير خلاف. Et à ce sujet, il n'existe aucune divergence entre les savants. وإن تغير بشيء طاهر لم يغلب عليه فالصحيح من قولي العلماء صحة التطهر به أيضا. Par contre, il y a, si l'aspect de l'eau que nous utilisons pour se purifier se transforme à cause d'une chose, si l'aspect de l'eau se transforme à cause d'une chose pure qui est entrée dedans, mais par contre, cette chose pure n'a pas pris le dessus sur l'eau en général, hein, il y a deux avis chez les savants à ce sujet, et d'après Cheikh Fozel, la vision de Fozel, c'est qu'il est autorisé d'utiliser cette eau pour se purifier. Hein, si vous avez de l'eau, il y a une chose pure qui rentre dans cette eau, hein, et ça a changé un petit, ça a changé son aspect, sans avoir pris le dessus sur l'eau, ça reste toujours l'aspect de l'eau. Hein, il y a deux avis à ce sujet, et apparemment, Cheikh Fozel dit qu'il est autorisé d'utiliser cette eau malgré tout. قال في رحمة الله الشيخ الإسلام ابن تيمية وجزيفية سادسة البارد قال الشيخ الإسلام ابن تيمية أما مسألة تغير المال اليسير أو الكثير بالطاهرات كالإشنان والصابون والسدر والخطم والتراب والعجين وغير ذلك مما قد يغير الماء مثل الإناء إذا كان فيه أثر السدر أو خطم ووضع فيه ماء فتغير به مع بقاء اسم الماء فهذا فيه قولان معروفان للعلماء. Donc, chez l'Islam, il est bien dit, concernant le point de la modification d'eau, que ce soit en petite quantité ou en grande quantité, par des choses qui sont en elles-mêmes dures, il donne des exemples comme le savon, le cidre, hein, des feuilles qui servent à se laver, la terre, de la pâte, et toutes ces choses-là qui peuvent transformer de l'eau, comme par exemple aussi un récipient dans lequel il y avait des restes hein, de cidre ou de feuilles, et on l'a rempli d'eau. Et ça a changé son aspect. Mais on appelle toujours cela de l'eau. On appelle toujours cela de l'eau. Donc dans ce cas-là, il y a deux avis qui sont connus chez les savants. ثم ذكر مع بيان وجه كل قول. Suite à ça, chez l'Imam Tamia, il a rappelé ces deux avis en ramenant les avis de chacun. ورجح القول بالصحة التطهر به. Donc il a ramené les deux avis. Il a considéré que l'avis qui dit que c'est autorisé d'utiliser cette eau-là malgré tout, que cet avis-là est le plus fort. Waqala huwa as-sawab, c'est ça le bon avis, le fait de pouvoir l'utiliser. Et anna Allah subhanahu wa ta'ala qal wa in kuntum marda aw ala safarin aw jala ahadun minkum min al-ra'id aw lamastum an-nisaa fa lam tajidu ma'an fa tayammamu sa'idan tayyiba فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه وقوله فلم تجد ماء ناكرة في سياق النفي فيعم كل ما هو ماء لا فرق في ذلك بين نوع ونوعين انتهى كلامه. Donc cher Ibn Taymiyyah ramène la parole d'Allah dans ce verset. Donc si vous êtes malade en voyage ou vous venez de faire vous venez d'être allé à la Seine ou vous avez eu des rapports avec une femme, si vous ne trouvez pas d'eau, alors faites le tayammum avec une terre pure et frottez vos visages et vos mains avec laquelle vous frottez vos visages et vos mains. Donc dans la parole d'Allah, dans le sens du verset, si vous ne trouvez pas d'eau, donc c'est l'eau ici est indéfinie, hein, dans un contexte de négation. C'est-à-dire que cela englobe toutes les sortes d'eau. Donc aucune différence entre telle eau et telle autre. فإذا عدم الماء أو عجز عن استعماله مع وجوده فإن الله قد جعل بدله التراب على صفة لاستعماله بينها النبي صلى الله عليه وسلم في سنته وسيأتي توضيح ذلك إن شاء الله في بابه. Donc ici il n'y a pas d'eau où on est dans la capacité de pouvoir l'utiliser, hein, avec malgré la présence d'eau, hein, Allah a donc donné en échange, donc nous a facilité, hein, dans le cas où nous ne trouvons pas d'eau, dans la capacité de l'utiliser même si elle est présente, donc utiliser à la place de ça lorsqu'il sort de la terre. Donc une façon telle, hein, qui a été montrée dans la sunna du prophète dans la sunna, et les explications sur ce sujet, inshallah, viendront dans le chapitre concerné. وهذا بلطف الله بعباده ورفع الحرج عنهم قال تعالى وإن كنتم مرضى وعلى سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا. Donc et ça fait donc cette facilité là fait partie de la clémence d'Allah, la douceur d'Allah envers ses serviteurs, et le fait il veut nous enlever la difficulté. Allah dit dans le sens du verset, donc si vous êtes malade ou en voyage et que vous revenez de la Seine ou vous avez eu des rapports avec une femme et vous ne trouvez pas d'eau, donc faites-le le tayammum avec une terre pure et frottez vos visages avec laquelle, faites le tayammum avec une terre pure avec laquelle vous frottez vos visages et vos mains, car certes Allah est compatissant et très miséricordieux. قال ابن هبيرة وأجمع على أن الطهارة بالماء تجب على كل ما لزمته الصلاة مع وجوده، فإن عدمه فبدله، لقوله تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، ولقوله تعالى: وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به. انتهى. Donc, Ibn Hubayra dit qu'il y a unanimité des savants dans le fait que le fait de se purifier est obligatoire pour toute personne pour qui la prière est obligatoire. Le fait de se purifier avec de l'eau lorsqu'elle est disponible, c'est obligatoire pour toute personne pour laquelle la prière est obligatoire. Et si il n'y a pas d'eau, dans ce cas-là, on utilise ce qui la remplace, à savoir la terre pure. Conformément à la parole d'Allah dans le sens du verset, si vous ne trouvez pas d'eau, vous faites le tayammum avec la terre pure. Wa laqad ja'ala, il vous a fait descendre du ciel une eau pour vous purifier. Intaha kalamu Allah. Wa bi hadha al-qadr kifaya. Sallallahu alayhi wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallah wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa ila al-dars al-qadim inshallah fi al-fiqh. القادم نفس الوقت، وإذا يوم السبت إن شاء الله قبل العشاء بأربعين دقيقة في شرح سنة الأصول لشيخ الفوزان كذلك إن شاء الله. Thank you.